Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire, le cours de l'histoire qui toute la semaine s'intéresse aux élites en temps de crise. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En l'an 800, la date est facile à retenir, Charlemagne est sacré empereur par le pape à Rome. 14 ans plus tard, quand l'empereur meurt, son empire se délite divisé entre ses fils. 1149 ans plus tard, en 1963, c'est un autre empire qui se délite, celui du Mexicain, et qui vient justement de mourir dans les Tontons Fringueurs de Georges Lautner en 1963, sur des dialogues de Michel Audiard. L'empire du Mexicain est le sujet de toutes les préoccupations. Va-t-il être divisé? Les Volfonies veulent faire sécession. D'où cette phrase sublime de Maître Folas, le notaire du Mexicain, joué par Francis Blanche. On ne peut pas demander plus aux Volfonies qu'aux fils de Charlemagne. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, les élites en temps de crise. Oui, la démocratie athénienne à l'épreuve de la défaite militaire quand les tyrans prennent le pouvoir ou encore les intellectuels face à la guerre. Des émissions à écouter, à podcaster, la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, prends ton château. On s'en va. Oui, la naissance du système féodo-vassalique. Nous partons au 9e siècle. Avec vous, Régine Lejean, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'autrice d'ouvrages, notamment celui intitulé « La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne », donc début 9e siècle et jusqu'aux environs de 920, et de « La société du haut Moyen-Âge » aux éditions Armand Collin. Régine Lejean, cette société du 9e siècle nous intéresse par ses élites aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Dans le panorama que nous faisons de ce 9e siècle, il y a le moment Charlemagne, l'Empire, il y a après l'Empire. Dans la construction des élites, il faut sans doute rappeler que nous sommes à ce moment-là les héritiers d'une longue tradition qui vient même de l'Antiquité, de l'Empire romain. Oui, nous sommes dans une tradition ancienne et qui se veut successeur de l'Empire, héritière plutôt, de l'Empire romain et en même temps qui traduit des changements importants qui sont intervenus dans les siècles précédents. Et la période carolingienne est à la fois une période de tradition et une période de changement, une période d'innovation. Et les élites qui soutiennent la construction carolingienne sont elles aussi les héritières de la période précédente et maintiennent des formes de tradition de la période précédente. En particulier, je songe à l'importance de la guerre, puisque vous avez mis le terme de château dans l'intitulé de cette émission. Et donc, ce sont des élites guerrières, comme d'ailleurs les élites de l'époque féodale, bien entendu. Je pense que c'est un point sur lequel il faut insister. Et en même temps, ces élites se transforment, et en particulier les valeurs qui soutiennent le pouvoir de ces élites se transforment dans le cadre de la christianisation et du renforcement des structures ecclésiales. C'est pour cela que nous sommes contents de vous entendre aujourd'hui, Régine Lejean, nous parler de ce moment très intéressant où vous l'avez évoqué, il y a un héritage revendiqué de l'Antiquité et puis il y a surtout des innovations. Bien justement, je vous propose d'écouter quelqu'un que l'on associe le plus souvent à l'Antiquité, à l'Empire romain, c'est Astérix. Oui, mais cette fois Astérix, il s'est tout passé à la radio française, raconte l'histoire de France, raconte Charlemagne et les Carolingiens. En fait, c'est la voix d'Henri Lapucière. L'immense empire n'est guère peuplé. Il n'y a pratiquement plus de villes, de routes ni de commerce. Les hommes vivent dans des villages sous l'autorité et la protection des grands propriétaires terriens. Charlemagne joint la sagesse à la force. Alors il protège ses peuples, institue des lois applicables à tous et les fait écrire pour qu'elles ne soient ni oubliées ni détournées. Alors il a des envoyés, qu'on appelle les Missi Dominici, qui l'informent de la situation de l'Empire et transmettent ses consignes aux seigneurs locaux. Enfin, il recommande aux évêques de fonder des écoles pour tous. Les conquêtes de Charlemagne sont brillantes mais fragiles. Et à sa mort, ses petits-fils se partagent les dépouilles de l'Empire en trois royaumes par le traité de Verdun en 843. Un résumé de l'histoire de Charlemagne et des Carolingiens à travers Astérix qui nous permet d'avoir une vision qui ressemble bien sûr à un cliché qu'il faut sans doute déconstruire, Régine Lejean, où Charlemagne est présenté sans doute avec un regard postérieur comme une hiérarchie pyramidale. Nous avons le souverain tout en haut et puis qui s'occupe de tout son territoire, d'ailleurs avec un lien direct. Hein, il y a l'évocation dans ce document des Missi Dominici, ces envoyés de l'empereur dans les territoires. Vous, Régine Lejean, quelle présentation feriez-vous des élites du temps de Charlemagne? Est-ce que nous avons ce système avec un empereur qui domine tout? Alors, il est certain que l'époque de Charlemagne est considérée à juste titre comme la période d'apogée des Carolingiens, puisque c'est l'âge de la conquête et que c'est un empire qui s'est construit par la conquête et par la guerre. Il faut quand même avoir toujours ça, ce phénomène à l'esprit. Hein. La guerre a soutenu l'entreprise carolingienne. Il y a deux choses qui ont soutenu l'entreprise carolingienne. Il y a la guerre et il y a l'Église. L'Église qui ne peut pas être séparée, qui reviendrait sans doute tout à l'heure, de cette entreprise, de cet empire qui se construit. C'est là aussi la signification du couronnement impérial de Charlemagne. C'est là le signe tout d'abord du sacre de Pépin, de l'onction de Pépin en 751, puisqu'il est le premier roi à avoir été sacré, à avoir reçu une onction. Je rappelle que les rois mérovingiens n'étaient pas sacrés. Et Charlemagne est couronné empereur à Rome et en même temps ses fils sont un peu plus tard sacrés rois à Rome également. Donc ce sont les deux piliers de cet empire, de cette nouvelle construction qui se met en place entre le milieu du 8e siècle et le début du 9e siècle. Et l'empire de l'époque de Charlemagne, effectivement, peut être considéré comme l'apogée avec la première partie du règne de Louis le Pieux avant les crises du milieu du règne de Louis le Pieux. Alors, le fait que l'empereur ait voulu et cherché à contrôler l'ensemble de son empire par différentes techniques, est bien vrai, mais cela pose tout de suite justement le problème majeur de cette construction carolingienne, de cette construction impériale. Ce problème majeur, je pense, est celui de la communication. Et cela a été bien montré par un certain nombre de travaux qui se sont intéressés à la communication entre le centre et la périphérie, entre le centre et ses régions si éloignées de l'empereur lui-même, qui à la fin de son règne, à la fin du règne de Charlemagne, est relativement statique puisqu'il passe les dernières années de sa vie à Aix-la-Chapelle sans circuler comme il le faisait auparavant et comme le feront ses successeurs. Mais c'est de son palais d'Aix-la-Chapelle qu'il gouverne avec les élites, avec ceux qui le représentent, mais sachant que se pose un problème de communication. Et peut-être que la raison principale de l'échec final de la construction politique carolingienne, parce que s'il y a échec, il y a échec politique. Pour le reste, pour l'idéologie qui s'est construite à ce moment-là, elle survit parfaitement et les élites elles-mêmes réussissent à se maintenir après la fin de l'époque carolingienne tout en se renouvelant naturellement. Mais s'il y a bien une raison fondamentale, je pense à l'échec au-delà des invasions qui ont affaibli évidemment l'Empire dans la seconde moitié du 9e siècle, c'est un problème de communication. Problème. C'est un problème Problème de communication, problème de distance, Régine Lejean, voilà, avec aussi une conséquence sur ces élites. Hein, vous l'avez évoqué, l'empereur Charlemagne a besoin d'être représenté. Est-ce que cette construction territoriale, en fait, d'un système élitaire explique comment se met en place chez tel seigneur, dans telle région, un transfert de pouvoir? Alors, il y a transfert de pouvoir, mais ce transfert de pouvoir n'intervient que relativement tardivement. C'est, on va dire, dans la seconde moitié, et peut-être même le dernier tiers du IXe siècle, que l'on voit des phénomènes de construction territoriale, puisque c'est à cela que ça va aboutir, à la naissance de principautés ou à la naissance de duchés en Germanie ou en Italie, donc à la naissance de constructions territoriales dans les provinces, mais cela n'intervient réellement qu'à la fin du IXe siècle, dans le contexte vraiment de la crise de la fin du IXe siècle, pas avant. Et ça a été largement voulu, d'une certaine manière, par les rois eux-mêmes qui, pour assurer une meilleure défense des provinces en but aux incursions des Normands ou des Sarrasins ou des Hongrois, ont concédé à des grands un certain nombre des regroupements territoriaux pour mieux assurer la défense de ces régions. Et c'est dans ces contextes que se construisent les premières principautés. Mais il n'empêche qu'il y a toujours eu un problème de communication avec la base, si vous voulez, entre le sommet et la base. Le roi a besoin d'un certain nombre de relais et il a surtout besoin de contrôler ce que l'on peut appeler non pas les sociétés villageoises, qui, elles, n'ont pas tellement leur mot à dire, mais a besoin de contrôler les élites locales, d'où l'intérêt de la notion d'élite par rapport à la notion de noblesse, par exemple, parce que la notion d'élite fait référence à l'ensemble de ceux qui, à leur niveau, ont une position dominante, même s'il s'agit de dominer quelques villages. Et c'est le problème de la communication entre le centre et ces élites locales qui a été la principale difficulté, qui a été résolue dans les périodes d'expansion, de stabilité, mais qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on avance dans le IXe siècle et que les problèmes se posent et se renforcent, en particulier avec les invasions, et pas seulement la question des invasions. La notion d'élite plus pertinente que la notion de noblesse dans ce 9e siècle qui nous intéresse, cette période carolingienne, oui, des innovations, parce que il y a le schéma que nous connaissons très bien de la division de la société en trois ordres. Ben, tenez, c'est Georges Duby, grand historien, qui le présentait dans l'émission Apostrophe, c'était en février 1979. C'est le thème des trois ordres de la société, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, le clergé, la noblesse et puis le reste. Chacun de ces ordres a une fonction dans la société. Il y a une sorte de mutualité dans les services qu'ils se rendent. Et on ne peut pas dire qu'ils aient inventé le modèle, puisque vraisemblablement c'est une forme très simple, n'est-ce pas, qui était dans ce qu'on appelle les mentalités, mais ils s'en sont servis comme élément majeur d'un système idéologique qu'ils s'en sont battus pour faire triompher. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait des idéologies adverses qui, pendant un siècle et demi, l'ont emporté sur la leur, et c'est simplement à la fin du XIIe siècle, un peu avant la grande bataille de Bouvines, que la monarchie française reprend, après certains princes féodaux, ce système pour vraiment s'appuyer dessus et faire reconnaître son hégémonie sur le corps social, en jouant évidemment entre ces trois personnages. Georges Duby dans l'émission Apostrophe en 1979 à propos de la division de la société en trois ordres. Régine Lejean, bien sûr, sous l'Empire carolingien, il y a des membres du clergé, il y a des nobles, il y a des paysans. Mais est-ce que cette division tripartite de la société est pertinente pour la période carolingienne? Alors, la division tripartite de la société est apparue à l'époque carolingienne, quand Georges Duby a écrit son livre, il situait l'apparition de cette tripartition fonctionnelle dans les années 1020 et dans le cadre de ce qu'il appelait la mutation féodale qui serait intervenue dans les années 980-1030 avec la décomposition des pouvoirs, la fragmentation, l'irruption des châteaux, la révolution féodale en quelque sorte. Depuis, de nombreux travaux ont mis à mal cette idée, d'abord parce que on est à peu près d'accord là, sur le fait qu'il n'y a pas eu de révolution féodale au tournant de l'an 1000, mais des évolutions beaucoup plus lentes, et qu'il n'y a pas de coupure autour de l'an 1000. Et d'autre part, la tripartition fonctionnelle, donc en trois ordres, n'est pas apparue donc dans les années 1020, mais on la voit apparaître à Auxerre dans les années 875, comme l'a montré Dominique Yuniapra, et même on a quelques indices chez Hermold de Noir sous Louis le Pieux. Donc en fait, c'est un schéma qui existe, mais qui relève d'une forme, d'une idéologie naturellement, et qui est loin d'être la seule forme de répartition en ordinesse. Alors, je rappelle que cette répartition en ordre vient de l'Antiquité et qu'on la trouve chez les pères de l'Église, mais que dans la plupart des répartitions en ordre, il s'agit non pas de tripartition, mais de répartition en deux ordres. Alors, ce que l'on trouve très couramment depuis l'Antiquité tardive, c'est la répartition entre clercs et laïcs, les personnes consacrées et ceux qui ne sont pas consacrés, et les laïcs, et qui sont engagés dans d'autres liens, et en particulier dans les liens du mariage. On voit également apparaître d'autres ordres, une tripartition, qui est la tripartition des États entre les moines, les clercs et les laïcs, cette fois-ci qui fait intervenir la chasteté, l'état de mariage, une plus ou moins grande pureté, et qui est souvent la tripartition que l'on rencontre. Mais on a d'autres répartitions, les puissants, les faibles, qui est très, très courante, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, le plus souvent c'est binaire. Oui, Régine Lejean, pardon, excusez-moi. Moi, j'aime beaucoup l'analyse que vous faites. C'est vrai que les trois ordres est quelque chose qui est efficace. Hein. Vous avez évoqué l'ouvrage de Georges Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme. Mais oui. La notion que vous apportez de dire non, la société se divise aussi d'autres manières. Alors, il y a les laïcs et les clercs, les hommes, les femmes, oui. Bien sûr, les riches, les pauvres aussi. Et tout cela voilà. Permet de comprendre aussi comment se construisent les élites, comment les élites se positionnent dans cette société carolingienne. Exactement. Et ce que je voulais terminer, et on en vient justement à cela, c'est que cette tripartition en clercs, combattants et paysans, on va dire agriculteurs, ceux qui travaillent, eh bien, c'est en fait une répartition entre dominants et dominés. C'est-à-dire entre les élites et les autres. D'une voilà. Certaine manière, hein. Et oui, non, mais c'est vrai que ces grilles de lecture, et d'ailleurs vous utilisez la sociologie, vous citez Bourdieu dans vos ouvrages, dans cette lecture de dominant-dominé pour comprendre les élites oui. Carolingiennes. Et justement, en évoquant ces élites carolingiennes, nous pensons tout de suite au sommet de la hiérarchie, j'ai envie de dire, de la société. C'est l'empereur, c'est Charlemagne, empereur à la barbe fleurie. Et bien étonnamment, c'est Moustache, oui, le chanteur Moustache qui chante Charlemagne. L'empereur à la barbe fleurie. Charlemagne, mais oui. Charlemagne, mais oui. Fut sacré empereur des Francs. Oui, oui, oui, empereur en l'an 800. C'est Roland, mais oui. C'est Roland, mais oui. Qui jouait de l'olifant, il s'en aimait crever le tympan. On apprend tout ça dans l'histoire de France. On nous bourre la tête pendant notre enfance. Mais aujourd'hui, moi, je tiens ma vengeance et je m'en sers pour en faire une danse. Charlemagne, eh oui. Charlemagne, eh oui. Fut sacré empereur des Francs. Oui, oui, oui, empereur en l'an 800. Henri IV, mais oui. Henri IV, mais oui. Voulait tout son populo. Chaque semaine mange de la poule au pot. C'est Cambronne, et zut. C'est Cambronne, et zut. Qui disait toujours des gros mots. Il en a même dit à Waterloo. On apprend tout ça dans l'histoire de France. On nous bourre la tête pendant notre enfance. Mais aujourd'hui, moi, je tiens ma vengeance et je m'en sers pour en faire une danse. C'est Cambronne, Jésus. C'est Cambronne, Jésus. Qui disait toujours des gros mots. Il en a même dit à Waterloo. Charlemagne, chanté par Moustache. Enfin, Moustache qui chante un peu toute l'histoire de France aussi, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Vallat, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la naissance du système féodo-vassalique. Nous sommes au 9e siècle quand l'empire de Charlemagne met en place un héritage revendiqué de l'Antiquité, mais surtout des innovations. Et ces innovations, Régine Lejean, ce sont elles qui nous intéressent autour de cette notion d'élite. Avec une question toute simple, vous nous avez bien dit que la notion de noblesse et de roturier n'est pas suffisante pour comprendre ce monde-là de dominant et de dominé est plus intéressant. Mais alors quels sont les signes? Qu'est-ce qui va montrer que l'on fait partie d'une élite dans une volonté de distinction? Alors, qu'est-ce qui fait partie Je pense que il y a un certain nombre de critères qui permettent de distinguer celui qui fait partie de l'élite et celui qui n'en fait pas partie. Ces critères ne sont pas toujours tous réunis selon la position où l'on se trouve dans la hiérarchie élitaire, peuvent être tous réunis en général au sommet de la hiérarchie. Ces critères, ça passe, on peut dire, par la détention d'une fortune, de la richesse, donc, plus ou moins grande, par la détention d'un pouvoir. Quel pouvoir, c'est encore à définir, mais toujours plus ou moins d'une parcelle, semble-t-il, de la puissance publique, et d'un savoir, mais aussi par ce que Bourdieu appelait un habitus, et des valeurs propres à l'élite, valeurs qui varient évidemment selon le statut, si l'on est clair, si l'on n'est pas clair, si l'on est laïque, si l'on est guerrier ou si l'on n'est pas, valeurs qui sont intégrées et qui s'expriment dans les comportements. Et tout cela permet d'être reconnu comme membre de l'élite. Et un point qui me semble fondamental, sans doute qui différencie par rapport à ce que l'on considère traditionnellement comme la noblesse en prenant le modèle de la noblesse d'Ancien Régime, c'est-à-dire un statut juridique où l'on peut avoir un noble crotté qui n'a pas de fortune, qui n'a rien, mais qui est quand même appartient à la noblesse parce qu'il est né noble. Là, au fond, pour faire partie de l'élite, eh bien, il faut être reconnu comme élite, c'est-à-dire que la reconnaissance d'autrui est fondamentale. Reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire par les égaux au même niveau, donc participer aux échanges des banquets, etc. Mais aussi reconnaissance par ceux qui n'appartiennent pas à l'élite, donc ceux que l'on peut appeler d'une certaine manière les dominés. Et enfin, reconnaissance aussi, en particulier pour le pouvoir, par une autorité qui légitime la position. Voilà, donc faire partie... faire partie de l'élite, hein, ce sont tous ces éléments que vous nous donnez, hein, Régine Lejean, avec bien sûr la conscience qu'il n'y a pas un schéma définitif, mais c'est vrai que la propriété foncière est une évidence, la richesse est intéressante, le pouvoir, des qualités morales, être reconnu, vous nous avez dit, tout cela sont des signes qui peuvent permet de se distinguer du reste de la population et de s'associer à l'élite. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont extrêmement symboliques et d'une importance capitale. Dès lors, c'est le lignage, c'est la notion de famille au-delà même de l'individu dans ce 9e siècle qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Je vous propose un extrait de la vie de Burnon, archevêque de Cologne. Donc, une vie de personnage imminent, comme toutes ces vies qui sont écrites au Moyen-Âge. Celle-ci est rédigée par Ruoge de Cologne. Donc, c'est un texte qui va bien nous montrer combien le lignage est essentiel, et il nous est lu ce matin par Élodie Hubert. Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, les ancêtres de ces ancêtres étaient tous très nobles. Aucun inconnu au sein de leur lignée. Aucun indigne qui pût être facilement trouvé parmi eux. Lui, cependant, les surpassait tous. Par la bienheureuse supériorité des empereurs et des rois, par la reconnaissance toujours très clairvoyante des parentèles, par la gloire des talents et par toutes les formes d'activité de l'esprit. Alors nous entendons bien dans cette vie de Burnon, archevêque de Cologne, lu par Élodie Hubert, combien pour ce personnage de la fin du Xe siècle, le lignage est essentiel dans sa reconnaissance. Il est question de lignée, de parentèle, des ancêtres, de ses ancêtres. Régine Lejean, alors au-delà sans doute d'une réalité que l'on pourrait chercher, étudier, j'ai envie de dire, le symbole dépasse le factuel. Il faut imaginer un lignage prestigieux. C'est essentiel dans cette société de s'insérer dans une famille plutôt que d'être un individu isolé. Oui, alors, de toute façon, l'individu isolé dans une telle société, enfin, dans de telles sociétés, a peu de chances de survivre. Il faut de toute façon s'insérer dans une communauté, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse d'une communauté villageoise ou qu'il s'agisse d'une famille et d'un groupe familial. Ça, c'est évident. Et les élites ne peuvent pas, un membre de l'élite ne peut pas se maintenir comme membre de l'élite s'il ne se rattache pas à un certain nombre de réseaux, qu'il s'agisse d'un réseau familial, d'un groupe familial ou d'un autre réseau si, par exemple, il s'agit d'un clerc. Alors, la famille est évidemment fondamentale, puisque j'y ai consacré aussi de longues années de mes recherches. Pour ce qui concerne Brunon de Cologne, l'archevêque, il faut ajouter que Brunon est le frère de l'empereur Othon Ier, qui rétablit l'empire qui avait disparu, qui rétablit l'empire en 962. Donc, évidemment, la géographe va insister sur toutes les qualités familiales que possède Brunon et qui, d'une certaine manière, sont aussi celles d'Othon Ier qui s'est illustré au point de pouvoir être couronné empereur en 962. Et donc, on trouve dans cette vie, effectivement, tout ce qui pouvait caractériser un membre de la plus haute élite et, dans le cas de Brunon, un membre de la famille royale, c'est-à-dire les ancêtres. Ce qui est important à noter dans le texte que vous avez cité, c'est que l'auteur dit que, aussi loin que l'on remonte et de quelque côté que l'on se tourne, tous les ancêtres de Brunon étaient nobles. Alors cela, c'est très important parce que je m'élèverai un peu contre le terme de lignage qui fait référence à une lignée patrilinéaire bien fermée, telle qu'on peut en trouver bien plus avant dans le Moyen-Âge, mais qui, pour la période qui nous concerne, est encore peu efficace, seulement pour les familles royales et la famille othonienne dont il est question dans ce texte, c'est-à-dire les rois de Germanie, sont arrivés au pouvoir seulement en 918. Donc, il y a seulement une génération. Alors, bien entendu, ils se rattachent à une famille puissante que l'on suit au 9e siècle, mais pas en tant que lignage. Mais voilà. En tout cas, c'est un groupe familial puissant, et puis on trouve tous les éléments qui permettent de reconnaître un membre de l'élite, la familiarité royale, la gloire des talents, etc. Et toutes puis les qualités élitaires. Et puis des valeurs, une manière d'être, ce que vous avez qualifié, Régine Lejean, en reprenant Bourdieu, hein, d'habitus, une manière de faire, une manière de se comporter, être porteur de ces valeurs. Et ces valeurs-là se retrouvent ensuite dans les chansons de gestes, bâtonnées, notamment la chanson de Roland. Nous sommes un tout petit peu plus tard, nous sommes au XIe siècle. Écoutez la mort de Roland, lue par la sublime Sappho, la chanteuse, la poétesse. Roland sent que la mort l'envahit. Elle descend de la tête vers le cœur. Il court jusque sous un pin et se couche sur l'herbe verte, face contre terre. Il met sous lui l'épée et l'olifant, puis tourne sa tête vers l'Espagne. Il le fait parce qu'il veut vraiment, le gentil comte, que Charles dise, et tout son peuple, qu'il est mort en conquérant. Il bat sa coulpe avec ardeur, et pour ses péchés, tend son gant vers Dieu. Dieu, au nom de ta puissance, mea culpa pour mes péchés, les grands et les petits, que j'ai commis depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ce jour où me voici atteint. Il tend son gant droit vers Dieu et les anges du ciel descendent à lui. Un extrait de la chanson de Roland lu par Sappho. Alors, moment essentiel, hein, presque dans notre patrimoine mémoriel, la mort de Roland. Roland à Roncevaux. Régine Lejean, dans un si court extrait que nous venons d'entendre, nous retrouvons tous ces éléments qui peuvent associer une personne à l'élite. Roland reconnaît le pouvoir de son seigneur Charlemagne. Il reconnaît surtout son dieu. Il y a Dieu également, il y a sa valeur militaire. En fait, il y a un ensemble de valeurs à respecter qui sont essentielles et parmi celles-ci, la reconnaissance du pouvoir au sens pouvoir impérial, et la reconnaissance de Dieu. Tout à fait. Ce sont deux éléments essentiels. J'insisterai, puisque vous avez passé cet extrait, sur l'importance des valeurs guerrières. J'en ai parlé au tout début, et je pense qu'il faut insister, c'est vraiment une permanence durant une période longue, y compris la période féodale, depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la période féodale. Et on voit là la mort du guerrier et ce que cela peut signifier en termes de prestige, d'autant plus qu'il lutte effectivement pour la chrétienté. C'est un élément important parce que cela contribue les victoires, dans le cas présent évidemment ça n'est pas une victoire, on se vaut, mais autrement les victoires contribuent à renforcer le pouvoir, à consolider le pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir royal ou du pouvoir des élites. Je pense par exemple au prestige qu'ont pu retirer les fils de Robert le Fort, qui est mort dans un combat contre les Normands à Brissart, fils de Robert le Fort, dont l'un d'eux, Eudes, est élu roi en 888, précisément pour ses valeurs guerrières, lui aussi, puisqu'il a défendu Paris contre les Normands. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, vous parlez de la fidélité à Charlemagne et de la fidélité à Dieu. Je crois que oui, ce sont les deux fondements de la reconnaissance sociale et du pouvoir des élites, et en particulier des élites dirigeantes à l'époque carolingienne, c'est être fidèle au roi dont on tire sa fonction et donc une partie de son prestige et de ses richesses, et être fidèle à Dieu, puisque tout pouvoir s'inscrit dans une perspective chrétienne, une perspective cosmique, et que tout pouvoir est conçu comme venant de Dieu. La source du pouvoir est considérée à partir de l'époque carolingienne et ce changement par rapport à la période précédente, et ça explique une grande partie de ce qui se passe par la suite, tout pouvoir est conçu comme venant de Dieu, directement ou indirectement. Et puis, il faut le rappeler, hein, Régine Lejean, les valeurs militaires, si elles sont essentielles, ne sont pas le quotidien non plus de tous ces gens. Ils ne passent pas leur journée entière à se battre. Et dans les valeurs développées pour être associées à l'élite, il y a cette manière d'être qui peut même toucher au raffinement. Et puisque le raffinement peut parfois croiser la religion, il y a la musique, le chant. Je vous propose d'écouter de la musique de l'époque carolingienne reconstituée et ses sublimes, Bellabis Quinis, de l'ensemble Cante Lena Antica. Carolingienne dans le cours de l'histoire sur France Culture. Régine Lejean, j'évoquais le fait que tous ces gens ne sont pas là à combattre tout le temps. Bah déjà, il y a les ecclésiastiques qui ne combattent pas. Et puis, parmi les élites, il va y avoir des élites du pouvoir, des élites de la justice. Et puis même, les chevaliers ne combattent pas tout le temps. Il y a le développement de toute une forme de mise en scène de la personne pour montrer qu'elle fait partie de l'élite. Cela peut passer ne serait-ce que par le vêtement, par la manière d'être, par le corps lui-même. Oui, cela passe. Ce sont des signes distinctifs de l'élite. Alors pour le corps, il y a quelque chose déjà de simple. Jean-Pierre Devroit, qui a beaucoup travaillé sur les paysans, dit que les signes premiers qui distinguent le paysan du membre de l'élite, c'est que le paysan peut être battu, il parle du dos du paysan, tandis que le membre de l'élite va échapper à ce genre de punition ou à ce genre de traitement. Mais au-delà de cela, eh bien, effectivement, les membres de l'élite cherchent à se distinguer par leur corps, surtout par leurs vêtements, par leur façon de manger, par la nourriture qu'ils consomment, par les résidences qu'ils habitent. Et de ce point de vue, les textes, bien entendu, nous apporte un certain nombre de renseignements sur les vêtements, sur la soie, etc. Mais ce qui a fait beaucoup progresser la recherche et la connaissance de ces signes, c'est l'archéologie. et en particulier l'archéologie de l'habitat, qui a mis à jour ce que les archéologues appellent des résidences élitaires. Évidemment, il est impossible de décrire un habitat élitaire type, parce que précisément, ces habitats varient dans l'espace. Les habitats ne sont pas les mêmes dans l'Angleterre anglo-saxonne, dans le monde franc ou en Italie, mais aussi selon la période. Ce que l'on peut dire pour l'époque carolingienne, c'est qu'il y a une amélioration de l'habitat, des conditions de vie, qui se traduisent non seulement pour l'élite, mais aussi pour les paysans. Alors, ce que nous montre l'archéologie pour ces habitats et pour ces types de consommation, c'est qu'il y a toujours dans les habitats que l'on peut appeler élitaires une consommation de type ostentatoire, c'est-à-dire consommer ce que les autres n'ont pas, aussi bien pour la viande que pour des produits qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est un signe fondamental de distinction élitaire que de consommer des produits importés. Et puis, dans ce travail de réflexion, d'analyse des formes de distinction de l'élite, nous sentons, mais c'est ce que vous nous expliquez, Régine Lejean, évidemment qu'il n'y a pas un modèle type et tout se déploie selon les régions, selon la position dans la société, mais ce grand mouvement est associé aussi à des phénomènes politique. Et oui, l'empire de Charlemagne est démembré par ses héritiers, et c'est en cela que dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la question, la naissance du système féodo-vassalique. Enfin, on ne peut pas demander plus au Wolfonique, au fils de Charlemagne. Hein ? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Voilà, donc dans les tontons flingueurs, ce sont les fils de Charlemagne qui partagent l'Empire. On pourrait parler des petits-fils surtout. Justement, je voudrais que nous évoquions encore un élément de notre patrimoine historique mémoriel. C'est le serment de Strasbourg, ce traité de Verdun, qui a séparé le territoire, l'Empire de Charlemagne. Écoutez comment il était présenté sur l'ORTF. C'était en 1966. Pour avoir voulu recommencer le partage, pour avoir voulu favoriser le plus jeune fils, voilà qu'à nouveau, les assemblées se réunissent. Une assemblée, deux assemblées, et maintenant c'est entre eux que les fils vont se battre. Entre les frères, une terrible bataille s'engage. Regarde, ce sont des Français qui s'entretuent. Regarde, les étendards qui volent. Regarde les lances qui s'entrechoquent. Regarde ces soldats cachés sous leur armure, comme s'ils avaient honte de se battre entre eux. Regarde ce cheval qui s'incline, comme pour se rendre. C'est dans cet affreux combat que deux frères s'unissent contre leur aîné. Ils décident de leur alliance dans un serment resté célèbre. Enfin, un traité est signé. Ce traité reconnaît la part d'héritage de chacun des fils. Voilà le bel empire florissant sous un unique diadème définitivement morcelé. Voilà l'empire de Charlemagne morcelé. Eh bien, Régine Lejean, la question que j'ai envie de vous poser à l'écoute de cette lecture que nous venons d'avoir sur l'ORTF, où ce sont des élites qui combattent d'autres élites, serait de savoir le peuple. Est-ce que ces élites peuvent être contestées par le peuple, ou est-ce que cela est inimaginable au IXe siècle ? Ah, on a très très peu d'exemples de révoltes populaires au Moyen-Âge, et en particulier au Moyen-Âge. Non, on n'a pas de... Alors, il y a bien quelques exemples en Saxe, mais de révoltes populaires contre les élites, non. D'autant que, comme je vous l'ai expliqué, le concept d'élite est un concept large avec toute une hiérarchie élitaire. De révolte des élites, non. Et à l'intérieur même des élites des... Est-ce que des élites peuvent contester d'autres élites ? En fait, c'est plutôt comme cela qu'il faudrait le lire. Oui, alors là, d'accord. Oui, évidemment, puisque de toute manière, les élites sont en compétition. Ce sont des sociétés compétitives. Nous avons travaillé plusieurs années avec un programme de recherche sur la compétition. Donc, il y a évidemment compétition, la compétition permettant d'améliorer les positions, soit d'un individu, soit d'un groupe, soit à travers un individu, d'un groupe. Compétition en particulier auprès des rois, à l'époque carolingienne, puisque les rois contrôlent les positions, contrôlent les fonctions, contrôlent les terres fiscales et contrôlent une partie des biens d'église. Donc la proximité royale, la familiarité royale permet d'améliorer des positions, d'améliorer le statut par le jeu de la compétition. Les rois eux-mêmes participant à ce jeu de la compétition. Et puis, est-ce que l'élite est ouverte? Est-ce qu'il est possible d'imaginer, allez, j'utilise un anachronisme, une mobilité sociale? Est-il possible d'entrer facilement dans l'élite? Alors, ça, c'est une vaste question, mais que permet justement de poser le contexte d'élite? Alors, bien entendu, les élites se sont toujours renouvelées. Alors, on n'en est plus à l'idée de Vilfredo Pareto qui disait que l'histoire était un cimetière d'aristocratie et qu'une aristocratie en remplaçait une autre à la suite d'une crise. Non, bien entendu, mais à toutes les époques, il y a eu renouvellement des élites. Alors, renouvellement partiel, naturellement, mais renouvellement. Et les crises peuvent éventuellement favoriser un renouvellement des élites, sachant que le Moyen-Âge, les sociétés du Moyen-Âge et les sociétés du Haut Moyen-Âge en particulier, ont horreur des changements et de la mobilité. Donc elles ne facilitent pas, elles ne favorisent pas la mobilité, mais il y a des phénomènes de renouvellement, bien entendu. En haut de la pyramide, mais surtout probablement en bas de la pyramide élitaire, celle que nous connaissons le moins. Mais c'est à ce niveau que l'on peut progressivement s'élever et monter dans la hiérarchie. Mais on ne monte pas de tout en bas, d'en dehors de l'élite, à tout en haut. Ça, c'est pratiquement impossible. Et les exemples que nous avons ont tous mal fini. Voilà, ils ont tous mal fini. Mais en tout cas, merci vivement, Régine Lejean, de nous avoir présenté ce monde des élites au IXe siècle, dans la période carolingienne, à la fois complexe et compréhensible par votre lecture. Oui, c'est bien plus compliqué que les trois ordres. Il y a d'autres schémas de lecture possibles. Merci beaucoup à vous. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous Hasekura Tsunenaga, le japonais de Saint-Tropez? Né en 1571, Hasekura Tsunenaga était un samouraï. Il appartenait donc à la classe des guerriers qui dirigèrent le Japon pendant 700 ans. En 1612, son père fut condamné pour corruption et exécuté. Pour échapper à la mort, le fils dut accepter de prendre en charge une ambassade en Europe. Son histoire s'inscrit dans le contexte de la première mondialisation des échanges qui a débuté au XVIe siècle. Les Espagnols avaient inauguré des routes maritimes transpacifiques reliant leurs colonies d'Amérique, qu'ils appelaient la Nouvelle-Espagne, aux Philippines. À cause du mauvais temps, leurs bateaux faisaient souvent naufrage le long des côtes japonaises, ce qui favorisa les contacts avec ce pays. En 1609, les Espagnols signèrent un traité qui leur permit d'établir un comptoir dans l'est du Japon. Puis il fut décidé qu'une ambassade japonaise serait envoyée à la cour d'Espagne. Désigné pour diriger cette expédition, Hasekura Tsunenaga s'engagea dans un long périple qui le conduisit au Mexique et à Cuba. Puis il arriva à Madrid, où il se convertit à la religion chrétienne en prenant le nom de Don Felipe Francisco Hasekura. Pour rencontrer le pape à Rome, il traversa ensuite la Méditerranée, mais le mauvais temps l'obligea à faire une halte à Saint-Tropez. Voilà comment les Français découvrirent pour la première fois un représentant du peuple japonais. La bibliothèque Ingambertine de Carpentras a conservé un document de 1615 qui nous permet de comprendre comment fut perçu ce visiteur qui ne ressemblait pas au touriste qui afflue tous les étés sur la plage de Saint-Tropez. Voici des extraits de ce document. Il y a 8 jours qu'il passa à Saint-Tropez un grand seigneur indien nommé Don Felipe Francisco Faxicura. Il avoua plus de 30 personnes à sa suite et, entre autres, 7 autres pages, tous fort bien vêtus et tous camus. Camus, c'est un terme qui désigne les personnes ayant un nez court et aplati. En sorte qu'ils s'emploient presque tous frères. Ils ont la tête rasée, excepté une petite bordure sur le derrière, faisant une flotte de cheveux sur la cime de la tête, retroussée et nouée à la chinoise. Ils se mouchent dans des mouchoirs de papier de soie de Chine, de la grandeur de la main à peu près, et ne se servent jamais 2 fois d'un mouchoir, de sorte que toutes les fois qu'ils ne se mouchoient, ils estoient leur papier par terre. Quand ils mangeoient, ils ne touchent jamais leur chair, sinon avec 2 petits bâtons qu'ils tiennent avec 3 doigts. Cette description illustre les stéréotypes habituels concernant les étrangers perçus comme étant tous identiques. Elle montre aussi des formes de raffinement, jeter son mouchoir après usage, ne pas manger avec ses doigts, qui n'étaient pas encore très répandues dans le royaume de France. Malheureusement, l'entreprise pacifique d'Azekura n'eut pas d'effet immédiat. Il rentra au Japon au moment où le pays se repliait sur lui-même en proie à une xénophobie qui provoqua des massacres de chrétiens. On ne sait pas s'il fut contraint de renoncer à sa nouvelle religion. Toutefois, après sa mort en 1622, les privilèges de sa famille furent abolis et ses biens furent saisis. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrins, Odile Joessel, Anne-Toscane Viudès, Marion Dupont et My Wen Gizhou. Une émission à écouter ainsi que les précédentes et à podcaster la balade de diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, des élites si peu populaires, un long regard sur les élites passionnantes de l'ancien régime à nos jours.